Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. FPP, c'est la jungle des luttes. Merci de nous écouter comme tous les troisièmes lundis du mois. Programme proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. On est donc tous les troisièmes d'un lundi du mois en direct de 19h à 20h30 et on est retransmis le quatrième jeudi du mois de 8h à 9h30 pour les matinaux. Et donc aujourd'hui, comme souvent, un peu le pont entre les luttes. Souvent c'est ici, là-bas. Là aujourd'hui, on va être plutôt beaucoup par ici. Par chez nous, ce qu'on connaît le mieux aujourd'hui. Et on va parler évidemment des retraites et puis de tout un tas de séries de lois. Ça marche souvent ensemble. On ne voit que les retraites. Enfin, on ne voit pas que ça, mais c'est ce qu'on visibilise le plus. Mais derrière, il y a des lois liées au logement qu'on appelle souvent anti-squat, mais parce que c'est vendeur. Et ensuite, il y a encore d'autres lois qui vont toucher l'immigration. Et donc là, il y a des gros paquets de lois qui sont en train de passer. C'est difficile de se mobiliser sur tous les fronts. Sur la retraite, ça avance, mais bon, voilà, la lucha sigue. Quant au reste, c'est encore plus difficile de mobiliser les gens, bien qu'il y a tout un tas de personnes qui vont être concernées. Puisque c'est pas seulement les squats, bien que ce soit déjà par là que ça se connaît le mieux, mais ce sera tous les locataires qui vont pouvoir être mis facilement dehors. Et donc c'est un programme de lutte, donc on lâche rien, on espère se retrouver ensemble là, jusqu'à 8h30 à d'autres occasions sur les terrains de lutte. En fin d'émission, on vous parlera justement d'un certain nombre d'actions qu'on peut éventuellement mener ensemble ou en tous les cas qui peuvent résonner les unes avec les autres, et donc sur notamment la question de l'eau. Donc ça, c'est sur la fin de notre programme. Et donc aujourd'hui, donc même si on va plutôt parler de ce qui va se passer sur notre territoire en France, là, on voulait rendre un hommage à un compagnon dont la disparition nous touche. C'était déjà il y a quelques temps, et donc on va pouvoir en parler avec toi si tu veux pour cette journée d'hommage à Samir juste Flores. Pour rappeler, voilà, pour les gens qui suivent un peu l'émission, qui suivent un peu aussi des fois ce qui se passe au Mexique, aujourd'hui, 20 février, c'est l'anniversaire de la commémoration de la mort, de l'assassinat plutôt d'une personne qui a beaucoup marqué les luttes au Mexique, qui s'appelait Samir Flores, qui est originaire d'une communauté du Morelos, pas très loin, une centaine de kilomètres de la ville de Mexico, dans une petite région rurale de la région où était né Zapata. Et du coup, on pense à lui aussi, parce que Samir Flores, c'est quelqu'un qui a démarré en fait son activité, son militantisme, en créant une radio à partir de rien, à 16 ans, en mettant des haut-parleurs sur une voiture, et puis pour informer sur les projets d'une centrale thermoélectrique, d'un gazoduc, etc. C'est devenu l'un des principaux à impulser un peu l'organisation de sa communauté, qui est devenu très très reconnu, qui avait chassé les autorités politiques, les partis politiques, qui était devenu un peu un exemple de lutte. Il y avait énormément de rencontres qui se passaient là-bas. Beaucoup de gens l'ont connu au Mexique, surtout dans le monde des radios libres. Et c'est pour ça qu'on tenait un peu à rendre hommage un peu à Samir, qui est un exemple pour tous les zapatistes. Aujourd'hui, 4 ans après, on ne sait toujours pas qui l'a assassiné. Il s'est pris deux balles à 6h du matin. Enfin, on ne sait toujours pas. On sait plus ou moins, mais il est couvert par la justice et par le gouvernement de López Obrador. Et du coup, voilà, on pense fort à sa compagne, ses enfants et à tous les camarades de lutte là-bas. Et puis, vérité et justice, c'est parmi les gens aussi qui est dont la mort et la lutte est revendiquée aussi par les collectifs Vérité et Justice ici en France, qui se battent pour la vérité, pour les assassinats par la police. Voilà. Samia Flores vive. On va faire une petite pause musicale et donc j'ai même oublié de dire qu'on va sûrement parler encore des JO, des lois répressives, etc. Donc voilà, on va aborder tout ça et donc on est le CSPCL. Et donc j'ai oublié de le dire, mais je vous le dis au cas où vous n'avez pas l'occasion de nous réécouter, donc jeudi, quatrième jeudi, ou bien sur notre blog, la jungle des luttes, puisque c'est le programme de notre radio, la jungle des luttes. Et vous pouvez sinon retrouver le CSPCL le 1er, 3e et 5e mercredi du mois dans les locaux de la Sainte, 33 rue des Vignoles à Paris. Merci à vous, musique, et on commence notre programme tout de suite. Après. Te quería recordar que hoy es una luna muy importante, la última del zodíaco, y hay que quemar, hoy hay que armar algo para quemar, hacerte un fueguito en lo donde sea, una velita, así que fíjate bien que quieres quemar. El deseo, lo que pasa entre nos, te gusta bailatelo. FPP, la jungle des luttes, donc nous sommes là jusqu'à 20h30 en direct donc avec Pascal du syndicat la CNT, et bah, tu peux peut-être un peu nous raconter ce qu'il en est là aujourd'hui, même si on est à peu près tous au courant de cette réforme, mais on te laisse quand même en parler, c'est toujours bien d'avoir des gens qui ont suivi le dossier à peu près de près, quoi. Et bah, tout à fait, on est dans un cadre où tout le monde est assez au courant de ce qui se passe, parce que c'est assez limpide. Contrairement à d'autres réformes qui étaient peut-être plus complexes à appréhender, à comprendre, où on était obligé de travailler sur les textes pour vraiment comprendre où on se faisait avoir, comment on nous volait. Et là, en fait, c'est hyper clair. Le gouvernement a attaqué tout droit augmentation du temps de travail. Donc c'est très simple. Ils partent d'un pseudo-déficit qui, en fait, n'existe pas. Et donc ils ont menti sur l'ampleur du déficit. Ils ont parlé d'un éventuel peut-être déficit dans je ne sais pas combien d'années. Et en fait, bah, tout le monde a vu son calcul de retraite. Donc tous les gens qui ont déjà cotisé un petit peu ont fait un calcul hyper simple, hein, c'est-à-dire qu'il suffit de cliquer sur un site là, qui fait les calculs automatiquement, et on voit en fait qu'on va travailler 2 ans de plus pour gagner vraiment moins. Alors, si on prend un cas un peu concret, la réforme des retraites pour une personne qui a cotisé 43 ans, vraiment 43 ans, et qui n'est pas arrivée à 64 ans, eh ben, elle va juste devoir travailler 1 an de plus ou 2, enfin, jusqu'à arriver à ses 64 ans, alors qu'elle a fait ses 43 ans de cotisation. Ces 43 ans de cotisation qui, eux-mêmes, sont une loi régressive qui avait été passée par le Parti Socialiste en la personne de Marisol Touraine il y a quelques années, étant donc amplifiée, et on va prendre encore plus cher, cette fois, au niveau du temps de travail. Et donc, ces 43 annuités qu'on doit effectuer, celles et ceux qui les auront effectuées devront travailler plus longtemps, et celles et ceux qui ne pourront pas travailler plus longtemps parce que, arrivés à 64 ans, n'auront plus la force physique ou n'auront plus la volonté, l'envie, l'énergie tout, pour réussir à se remettre au travail, alors que normalement, l'âge était arrivé, en fait, bah, ces personnes-là n'auront pas forcément fait leurs 43 annuités. Donc ça concerne les gens qui ont fait des études longues, mais majoritairement, ça, donc c'est plutôt minoritaire, mais majoritairement, ça va concerner les gens qui auront eu des interruptions. Et donc ouais, pas forcément, parce que quand tu vois que les gens ont fait de plus en plus d'études longues, là, au jour d'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui n'ont pas fait d'études longues, ceux qui sont à la retraite au jour d'aujourd'hui, mais ceux qui sont à la retraite dans 10-15 ans, la proportion de gens qui ont fait des études longues, elle augmente de plus en plus, ouais, quand même aussi. Clairement, cette proportion a augmenté, mais les personnes donc, qui vont être les plus touchées, c'est les personnes qui ont eu des carrières hachées, soit par la précarité, soit par le besoin d'arrêter de travailler. Et donc, ça concerne très majoritairement les femmes. Donc, c'est une réforme qui s'attaque à une très, très grande partie de la population. Toutes les personnes qui ont été à un moment précarisées, donc majoritairement des femmes, comme on disait, hein, vont prendre une misère assurée à 64 ans. Et pour celles et ceux qui voudront arrêter avant ou qui voudront essayer de trouver un travail, etc., il n'y aura pas l'espace, ou alors le travail précaire qu'on nous promet déjà depuis des années avec la soi-disant baisse du chômage. Voilà, donc tout ça est évidemment lié aux autres réformes. On va parler de certaines, mais je ne suis pas sûr qu'on ait prévu un grand moment pour parler de la réforme chômage. Et ouais, qui est déjà, elle, bien... Voilà, qui est en place, et donc qui va super bien avec la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'on va misérabiliser les gens qui ne travaillent pas. On va, en plus, en parler comme des criminels. Hein. C'est-à-dire que le discours du gouvernement est assez clair. Les gens qui sont au chômage sont des profiteurs. Et les gens qui travaillent, par contre, sont des gens super, qui se lèvent tôt, etc. Mais on va quand même voler à tous ces gens-là le fruit de leur travail, au profit, bah, je dirais même pas du patronat, parce que le patronat, il a déjà tous les profits, en fait. Là, c'est au surprofit du très grand patronat, a priori, et des élites qui gouvernent. Donc voilà, on a affaire à une loi de classe claire, tout le monde l'a comprise. Guerre aux pauvres déclarée, clairement. Voilà. Ouais. C'est clair et net, tout le monde l'a bien compris. Maintenant, le problème, c'est comment se mobiliser. Et donc, c'est cette question-là, tout le monde se la pose chez soi, dans ses groupes d'amis et dans ses groupes de collègues. Voilà, pour l'instant, la mobilisation a pris sur une routine intersyndicale, c'est-à-dire avec des manifestations isolées. Il n'y a pas de secteur de pointe qui mènerait la lutte, hein, pour l'instant. Tout le monde se regarde un petit peu en chien de faïence. Ouais. La RATP subissait la prime de non-absence là, de Castex, qui est le nouveau président de la RATP, qui a fait que, par exemple, chez les machinistes RATP, il n'y a eu que même pas 10% de grévistes sur les grosses journées, parce qu'il y avait une prime de non-absence qui n'était pas négligeable. Bon, avec la fin de cette prime, on peut espérer que ce secteur-là parte, que l'énergie parte. Hein, les syndicats de l'énergie sont très, très mobilisés. Voilà, après, à nous de faire comprendre à tous nos collègues, à toutes les personnes de nos entourages que non seulement tout le monde a bien compris où on allait avec cette loi et que maintenant, en fait, comment se mobiliser. Déjà, en y allant le 7 mars. Donc, évidemment, le 7 mars, c'est une grosse date. Ça ne veut pas dire que pour celles et ceux qui ont des possibilités de se mobiliser avant, il ne faut pas le faire, hein, évidemment. Il y a déjà des mobilisations prévues, en particulier dans les tiers de pays qui reprennent le travail. ce qui est le cas d'un tiers de pays là, qui vient de reprendre, et un autre tiers qui reprend lundi prochain. Donc il y a des mobilisations de prévues. On essaiera de mettre tout ça à jour. Alors moi, je suis à la Fédération de l'éducation, à la CNT, et donc on essaye de tenir à jour un agenda des luttes, et sinon il y a l'agenda militant indépendant, AMI, qui essaye de tenir cet agenda. Et donc, quel que soit l'endroit où vous partez en vacances, il n'est pas exclu qu'il y ait une mobilisation locale, et il faut les faire grossir. Partout, ici on est à Paris, c'était des grosses manifestations, mais proportionnellement, ce n'était pas du tout les plus grosses, hein. C'est bien ailleurs qu'à Paris que ça s'est passé pour l'instant. Et donc voilà, il y a plein de moyennes villes, de petites villes qui sont très mobilisées, donc il faut rejoindre les mobilisations et vraiment mettre le gros paquet sur le 7 mars pour qu'on ait une chance de faire continuer cette grève et de la rendre reconductible. Et en particulier, on a une chance, entre guillemets, c'est que le lendemain, les associations et les organisations féministes organisaient une mobilisation depuis assez longtemps, pour le 8 mars, une action de grève pour le 8 mars. Et cette grève a été appelée par toutes les centrales syndicales. Et donc, ça peut être le début d'une vraie grève reconductible. Et on peut insister sur les mensonges du gouvernement par rapport au fait que, évidemment, ils avaient dit oui, les femmes s'en sortiront très bien avec notre réforme. Et ils ont été démontés mais par ce qu'ils avaient eux-mêmes écrit. Et ouais, de toute façon, ils se sont fait démonter pour eux-mêmes. Tout. Enfin, les 1200 euros aussi, ils faisaient comme si on ne savait pas lire un texte. Enfin, ils ont un mépris très profond pour tous les gens qui, comme ils disent, ne comprennent pas. En fait, on a très bien compris. C'est leur intérêt qu'ils sont en train de défendre. Défendons donc le nôtre. Et voilà. Et par rapport aux attaques tous azimuts qu'on subit, je pense qu'il est important de rentrer dans les luttes, même catégorielles, même pour notre logement, même pour arrêter de se faire fliquer, etc. Toutes ces luttes-là, en fait, s'il y a un moment, ils veulent laisser faire passer un truc prioritairement, on peut gagner sur d'autres. C'est-à-dire qu'on va sûrement y laisser un peu des plumes, mais on peut gagner des choses. On a affaire à une mobilisation qui est quand même assez historique au niveau nombre de gens qui sont derrière, qui sont sensibilisés à ça. Merci à toi. Et donc justement, j'entendais des journalistes qui parlent, et donc ils disaient oui, non, mais les jeunes se mobilisent pas tant que ça, alors qu'au début ils disaient ah, les jeunes se mobilisent, bon, finalement c'est un peu redescendu sans doute parce que c'est avec leur comptage, mais en fait les jeunes sont mobilisés sur tout un tas de dans toutes les régions, pas forcément spécialement à Paris. Par contre, bon, bah nous on est ici en Île-de-France. Et donc, justement, à Condorcet, il y a des mobilisations. Et donc, il y a une occupante avec nous qui peut nous dire un petit peu, justement, votre mobilisation et ce sur quoi là où vous militez, est-ce que le message que vous vouliez faire passer. Ah, tu veux faire une petite pause musicale? Bah bon, alors on fait une petite pause musicale. Ça marche. Désolé. À tout de suite. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour gagner, on se battra pour garder la retraite à 60 ans. On s'est battu pour gagner, on se battra pour garder la retraite à 60 ans. On s'est battu pour gagner, on se battra pour garder la retraite à 60 ans. On s'est battu pour gagner, on se battra pour garder la retraite. La retraite, la retraite. Libérez vos camarades, ouvrez la cage aux soixantenaires. Une vaste éprouve, menace, du jardinage et du bricolage. Des mots croisés, et puis du sport, et aussi du souci en colère. Qu'ils prennent l'apéro entre amis, qu'ils en dégueulent à la minuit. La retraite, à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. La retraite. La retraite. La se battra pour la garde de la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner. On se battra pour la garde de la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner. On se battra pour la garde de la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner. On se battra pour la garde de. Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est la jungle des luttes jusqu'à 20h30. Donc on reprend avec une occupante du campus Condorcet et on t'écoute sur la mobilisation là-bas. Bonsoir, bonsoir. Alors nous effectivement, on s'est inscrit dans le moment de la mobilisation de la lutte contre les retraites, mais en revanche, on avait même en fait voulu occuper... avant que la mobilisation prenne son essor. Le but était d'avoir un lieu de vie autogéré sur ce campus. Et en fait, on s'opposait à beaucoup de choses. Non seulement au fait que le campus soit complètement un lieu de gentrification du quartier de la Plaine et autour, donc de tout ce qui est autour du Front Populaire, et donc un lieu qui est en fait un partenariat public-privé. L'exploitation est donnée à Vinci, donc en fait on a une lutte commune avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes même. Donc voilà, donc en fait le but de l'occupation était aussi donc de nous ouvrir sur le quartier et de rompre avec cette frontière qui a été créée entre un campus aseptisé et d'étudiants et d'un pôle d'innovation avec des start-up, etc. et un quartier dont ils veulent virer les populations. Donc en fait, finalement, plus que la loi des retraites, on s'inscrit beaucoup avec la loi Darmanin qui concerne beaucoup de gens du quartier, il y a beaucoup de sans-papiers, la loi anti-squat, parce que finalement, comme on a un partenariat public-privé, notre occupation n'est pas complètement considérée comme une occupation de fac, et c'est un peu plus compliqué que ça. Finalement, ce qu'on a vécu, c'est la criminalisation des luttes. Ça a été à nouveau vécu à Tolbiac. Ils ont occupé une nuit, ils ont été virés le jeudi de la manifestation. Nous, ça a été le 23 janvier qu'on a lancé l'occupation. 30 minutes après la fermeture du campus, on s'est fait interpeller, puis emmener en garde à vue. 29 étudiants, très exactement, pas que étudiants. Ce qu'on a vécu dans le commissariat ensuite, ça a été des choses que le quartier dans lequel on est inscrit vit de manière très routinière, pour ne pas dire quotidienne. Qu'est-ce qu'on a vécu ? On a vécu une prise d'ADN, une prise d'empreinte forcée, une fausse réquisition du procureur pour pouvoir nous prendre nos empreintes. On n'a pas appelé notre avocate. On nous a empêchés de boire, d'aller aux toilettes. On nous a pas donné de guide d'hygiène. On nous empêchait de dormir. Il y en a un qui s'est fait casser les côtes. Il y a eu des prises de photos sur des portables privés des policiers, faites par la force également, avec strangulation. Une camarade qui a fait un malaise, qui a été traînée au sol par les cheveux. Sa tête heurtait les marches d'escalier pour être amenée jusque notre cellule. Elle a été ramenée à notre cellule inconsciente. On a enfermé 16 personnes dans une toute petite cellule de 4 mètres carrés, enfermant toute fenêtre d'aération, ce qui provoquait suffocation et malaise d'un d'entre nous. Donc voilà, en fait, tout ça, toutes ces techniques-là de torture, c'est des choses qui sont vécues et de manière bien pire et de manière bien plus routinière par les quartiers qui nous entourent en réalité. Et c'est surtout sur ça qu'on veut visibiliser et utiliser de la médiatisation de ce qui nous est arrivé pour visibiliser ce qui arrive à d'autres personnes. D'ailleurs, en fait, c'est ce qu'on a voulu créer depuis le début sur le lieu de l'occupation. Et on a une soirée de soutien d'ailleurs le 3 mars à la cabane sur le bâtiment occupé, de soutien donc au collectif pour Yanis, à la famille de Lamine Dieng, aux mutilés pour l'exemple, à l'Assemblée des blessés, à Désarmont-les. Et donc en fait, voilà, donc typiquement là, en occupant ce lieu, on a aussi la présence d'autres jeunes du quartier. Et c'est des jeunes qui ont 13-14 ans et ils ont déjà fait 8 gardes à vue. Donc il y a une, ils sont mineurs, normalement il n'y a pas de garde à vue pour les mineurs. Donc effectivement c'est quelque chose qui est, et c'est là où en fait la criminalisation des luttes elle va beaucoup de, elle est aussi, il y a une criminalisation des quartiers en réalité, et c'est une gestion coloniale policière qui s'y joue. Et c'est là où finalement on peut peut-être rejoindre Samir Flores, Soberanes, parce que finalement c'est au Mexique il y a une criminalisation bien plus forte qui amène à la mort de manière assez récurrente malheureusement, et finalement dans les quartiers c'est là où ça se ressent le plus ici. Voilà, nous, qu'est-ce que j'allais dire de plus? Bah, en tous les cas, effectivement, quand on a entendu parler là récemment du changement de préfet à Paris, il est vrai que il y a une autre réalité quand on marche. Il y a beaucoup moins de policiers, il y a plus les centaines d'arrestations, mais la violence qui est cachée qu'on voit pas et qu'on divulgue pas, effectivement, sinon c'est toujours sous couvert de petites délinquances, etc. Enfin voilà, c'est toujours très facile de effectivement criminaliser les jeunes et passer enfin très vite de quartiers violents. En fait c'est des quartiers violents, alors que on pourrait dire que c'est plutôt déjà des quartiers pauvres et précarisés. Ça passe pour de la violence, tout comme effectivement les luttes qui sont criminalisées, où c'est l'occasion de pouvoir, après justement, pour vous là aujourd'hui, de parler de ça, puisqu'on ne parle pas du tout de ces violences policières au-delà des meurtres qui arrivent déjà très très régulièrement, qui nous le rappellent. Mais là justement, cette violence, cette torture, violence psychologique, puisque c'est à répétition dans les quartiers pour ces personnes, c'est important de le redire, même si sur FPP, je pense qu'on a l'occasion d'en parler régulièrement, mais c'est toujours important de le redire. En tout cas, merci beaucoup. C'est des stratégies qui permettent d'entretenir la domination et d'entretenir le rapport, le statut de dominé dans certaines populations. Et effectivement, dans ce quartier-là, on le voit. Typiquement, on a fait une marche au flambeau vendredi soir, et à la fin de la marche au flambeau, dans le square juste en face du théâtre de la Belle Étoile, il y avait quelques jeunes du quartier qui faisaient un clip, somme toute assez classique. Et finalement, il y avait une opération policière assez conséquente pour les emmener en garde à vue, pour leur voler leur matériel. Et heureusement, la marche au flambeau est arrivée juste devant, donc on a crié, finalement ils sont partis. Et en fait, ce même soir, en fait, ils ont quand même emmené en garde à vue certains jeunes et puis quelqu'un du quartier à ce moment-là. Et voilà, c'est un truc qui est, en fait, qui est tout le temps... banalisé, enfin c'est... Ouais, c'est complètement... Et donc peut-être que tu peux rappeler le 3 mars, donc si tu peux redonner les coordonnées, oui, pour ceux qui ne connaissent pas le 3 mars, donc c'est au 28 rue des Fillettes pour la cabane. Et alors c'est une soirée de soutien donc aux collectifs qui sont non seulement des collectifs de quartier, mais qui en plus sont aussi des collectifs en lutte, donc ils ont la double peine. Et donc il y a le collectif pour Yanis, Stop Violence Policière sur Saint-Denis, la famille de Lamine Dieng, il y a les Mutilés pour l'Exemple, il y a l'Assemblée des Blessés et Désarmons-les. Et on aura une projection, ça va commencer à 17h, il y aura une projection de À nos corps défendants, un documentaire sur les violences policières dans les quartiers, suivi de prise de parole, de concerts, de DJ set, et voilà. Super, merci. On fait une petite pause musicale et on enchaîne, c'est ça? Musique. C'est King. Macomé, Amine ou Lamine, autant d'hommes noirs ou arabes que la police assassine. Le savais-tu? Entre 1977 et 2019, c'est 676 personnes que la police tue. Derrière ces chiffres, il y a la réalité des vies volées, des familles détruites, d'une soif de justice qui peine à être étanchée. Car dans l'immense majorité des cas, les meurtriers ne seront pas inquiétés. Ils continueront à exercer en toute impunité. Servir et protéger? Non. Sévir et oppresser, tabasser les classes populaires et les personnes racisées. Tel est en vérité le cœur du métier de policier. Maintenir coûte que coûte l'ordre social raciste et bourgeois, il n'y a pas de doute, la police est faite pour ça. À ceux qui s'indignent et demandent « Mais que fait la police ?» nous répondons « 18 morts par an, qui osent encore parler de bavure et mentir aux parents. Quand ça fait 40 ans que ça dure, l'exception à l'état de droit, l'oppression à l'état pur. 13, 12, c'est nous, ça veut dire que tous les keufs sont des raclures. Passe droit systématique, car le problème est structurel. La police prend sous serment, la justice est sous tutelle. L'institution par définition est

de cette loi, comment elle arrive un peu. C'est vrai que c'est quelque chose où il n'y a pas forcément eu... sur la question de la remise en cause, on va dire, des droits au logement, il y a malheureusement pendant ces dernières années, justement l'association Droits au logement et quelques grosses entités beaucoup plus réformistes un peu qui s'étaient mobilisées, très peu de locataires, très peu du mouvement squat, mais en fait on va dire dans les 5 dernières années il y a eu toute une série d'offensives pour faire évoluer du coup le cadre français qui est assez particulier, où dans le cadre français de l'après-guerre on a à la fois la reconnaissance formelle de la propriété privée, mais aussi depuis surtout les mobilisations des années 50 suite à, entre guillemets, l'appel de l'abbé Pierre, mais surtout à la misère de milliers de personnes qui se retrouvaient, dizaines de milliers de personnes qui se retrouvaient à la rue dans des conditions extrêmement dures et dans des bidonvilles. En fait, la reconnaissance aussi du droit au logement, enfin d'un certain droit au logement, en fait. Et donc, pour expliquer un petit peu ce cadre-là, avant de peut-être revenir un peu sur l'offensive qu'il y a depuis les quelques dernières années, on est en France dans à la fois la propriété est l'axe fondamental, mais le droit au logement fait que le fait d'occuper ou d'être en litige avec son propriétaire jusque-là n'était pas un délit pénal. Ça veut dire que c'est un litige entre deux parties, un propriétaire et un occupant. Et ce litige-là, la justice tranche, arbitre, en fait, donc forcément du côté des dominants, du propriétaire, mais ce n'est pas une violation, on va dire, des lois de la République française. C'était jusque-là, on va dire, régler un problème de litige en prenant d'un côté en considération le droit fondamental dans la loi française des propriétaires, mais aussi la situation sociale des occupants qui n'ont pas d'autre endroit où vivre. C'est ça aujourd'hui qui est complètement remis en question, parce que du coup, on va pouvoir revenir là-dessus. Avec cette loi, là, on a passé un cap. Pour la première fois, on assiste à la création d'un délit pénal pour occupation sans droit ni titre. Ça peut être pour des occupants donc qui s'introduisent sans avoir l'accord vraiment du propriétaire, mais ça peut être aussi pour des gens qui n'arrivent plus à payer leur loyer. Donc là, maintenant, ça devient un délit pénal. Et peut-être, ou d'autres personnes, vous pouvez nous en dire un peu plus. Rebondissons. Donc oui, la loi Kasbarian, alors qui est présentée comme la loi pour la protection des logements des occupations illicites, c'est comme ça qu'elle est présentée. Donc c'est une loi qui est actuellement, elle fait encore la navette dans le Parlement entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc la version définitive du texte n'est pas encore écrite. Mais là, actuellement, on en est à des peines. Alors pour les squatteuses, ça sera 30 000 euros d'amende. Et on parle bien d'amende à payer à l'État, ce qui est différent des indemnités d'occupation journalière que les squatteuses pouvaient payer avant. Là, c'est vraiment des amendes obligatoires à payer à l'État. Et à 2 ans de prison. Jusqu'à 2 ans de prison. L'Assemblée nationale l'avait décrété que c'était 3 ans et le Sénat est revenu à 2 ans. Ça pourrait être 3 ans aussi. Voilà, on n'est pas fixé sur les... Voilà, il y a une navette. Donc, bien évidemment, ça, 30 000 euros d'amende, ça condamne les gens à la précarité à vie, quasiment. pardon, excusez-moi. Et donc, ça, c'est pour les squatteuses. Et pour les locataires, on est sur 6 mois c'est combien ? 15 000 euros d'amende. 15 000 euros d'amende et pour l'instant, je crois qu'ils ont supprimé les mois de prison. Mais pareil, c'est encore dans la navette aller-retour avec le Sénat et l'Assemblée nationale. Voilà. En tout cas, c'est une loi qui va criminaliser tous les précaires et tous les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter un appartement et de pouvoir vivre décemment. Donc c'est vraiment une criminalisation des pauvres. Voilà. La première partie en fait concernait les locataires donc en défaut de loyer et même ceux qui proposaient donc de rembourser par échéancier. C'était revu à la baisse à les peines seront seulement si les locataires se présentent pas au tribunal, sachant que c'est souvent le cas puisque en fait souvent les gens comprennent pas trop qu'est-ce qui se passe dans cette procédure, voire les procédures sont mal affichées où les gens parlent pas forcément le langage juridique qui est dessus. Voilà, donc ça reste quand même une criminalisation des pauvres, en gros. Avec des procédures qui vont aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. C'est ça qui est aussi à souligner. Donc pour surtout là, on se retrouve. Donc c'est une loi qui a été promue avec tout un dispositif, on va dire un matraquage médiatique, une campagne médiatique très forte. À partir d'exemples caricaturaux, mais en fait, du coup, qui a des conséquences, et spécialement en région parisienne où il y a deux tiers de locataires. Donc, il faut imaginer que là, sur un impayé de loyer, on se retrouve, alors qu'avant, il me semble que c'était au bout de deux ou trois mois d'impayé de loyer que là, on passait au tribunal. On se retrouvait avec une procédure de justice, mais il y avait l'examen de la situation sociale, etc. Là, c'est dès le deuxième mois de loyer où direct on rentre dans cette procédure avec directement la possibilité d'expulser, c'est-à-dire avant même que le procès, qu'il y ait vraiment, vu que c'est un délit en soi, il n'y a plus comme avant, et donc c'est ça qui disparaît avant. C'est-à-dire que le juge d'instance qui officiait avant et qui jugeait de la situation sociale pour voir un peu faire un échéancier, voir un peu aussi par rapport à la situation sociale des personnes, ça disparaît vu que c'est un délit. Donc il y a possibilité pour l'autorité, le commissaire, le préfet, effectivement, de mettre directement tout le monde dehors, donc des familles, etc. Et ça, après, peut-être on peut revenir dans le contexte, en fait, dans lequel... D'autant que quand la plupart des personnes, quand bien même elles réussiraient à comprendre qu'il faut qu'elles se rendent à cette convocation... elle va y aller sans doute sans avocat, et en fait de toute façon là ça va être tu vas être complètement perdu en face, parce qu'il y aura tout un tas de on va t'énoncer un certain nombre de droits, et puis donc si toi t'es pas préparé et de fait si t'as pas le moyen de payer ton loyer, t'as probablement pas les moyens d'avoir un avocat et probablement pas non plus les moyens d'être aidé par d'autres personnes. Enfin, parce qu'on imagine qu'il va y avoir peut-être des collectifs d'avocats pour les locataires en voie d'être expulsés, mais il n'y en aura jamais assez non plus. Enfin, du coup, c'est difficile de pouvoir se défendre, en fait. Ouais. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut essayer de mettre en place, de comment on va pouvoir enrayer le... En fait, il va y avoir une rupture du coup automatique du bail. Le bail sera annulé de façon automatique au bout de deux mois, ce qui rendra donc du coup la personne illégale dans son lieu de vie, même si c'est un locataire qui a vécu là depuis des années. Ça c'est... Ouais, pour parce que en fait, c'est vrai que pour un propriétaire, peut-être, et encore... parce que là, la question va se poser où en fait les gens s'imaginent propriétaires, mais ils ont souvent un crédit à rembourser. Mais là, en fait, qu'est-ce qui se passe ? On est dans une situation de crise, Et c'est ça qu'il faut aussi voir dans quel contexte il y a donc ces lois qui passent. On est dans une situation de crise de plus en plus aiguë avec l'augmentation de toutes les denrées alimentaires, de toutes les charges sociales, avec une proportion que les gens doivent payer pour payer s'acquitter de leur loyer qui est énorme en région parisienne, qui dépasse souvent la moitié du salaire. Donc ça veut dire que, en fait, en période de crise, il y a le risque qu'il y ait énormément de plus en plus de gens qui ne puissent pas payer leur loyer, surtout sur, typiquement, à partir du moment où il va y avoir des licenciements de masse. Et donc là, ça veut dire que d'un coup, il y a des centaines d'euros qui sont plus là, une séparation familiale, toutes ces situations difficiles qui font que du jour au lendemain, en fait, tu peux plus payer ton loyer. Tu te retrouves là, ça va devenir, en fait, ça va devenir, on va dire, un toboggan direct vers la précarité. Ce qui se passe, c'est que cette précarité-là, les propriétaires et surtout les gros bailleurs, en fait, ils appellent ça le risque locatif. Et le risque locatif, c'est s'il augmente au-delà d'un certain pourcentage, pour eux, c'est plus, ça veut dire que le produit investissement locatif n'est plus rentable, n'est plus intéressant comme source d'investissement. Et c'est là où justement, en fait, on se rend... Enfin, comme c'est vraiment une attaque capitaliste, etc., dans le sens que dans une période de crise, les propriétaires essaient de terroriser au maximum les gens pour ne pas subir, que ce ne soit pas les possédants qui subissent la crise. Ça veut dire qu'ils ont peur que les loyers ne rentrent pas en période de crise. Ouais. Je ne sais pas si vous partagez un peu le... Bah, C'est une loi qui est présentée dans les médias, la propagande médiatique la présente comme une loi qui protégerait les petits propriétaires. La réalité, c'est qu'elle protège surtout les grands bailleurs. Et on a quelques chiffres. Par exemple, il y a 3,116 millions de logements vacants en France métropolitaine et 4,082 millions de mètres carrés de bureaux inoccupés en Île-de-France. Et 300 000 personnes sont dans la rue. Voilà, ça, c'est les chiffres. Les équations. Voilà. Et en augmentation constante. Et en augmentation constante. Voilà. On a quelques minutes pour finir. Peut-être, ouais. Je pense que c'est vraiment important. C'est plus comment on s'organise par rapport à ça. Peut-être vous pouvez raconter un peu les... Alors, c'est beaucoup moins organisé que les énormes manifestations syndicales, mais voilà, si on peut raconter un peu pour aussi les gens qui voudraient rejoindre le mouvement contre ces lois-là. Oui, donc oui, pour les perspectives de lutte. Donc il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que au départ, dans le projet initial de loi, donc il y avait des peines qui étaient relativement, on va dire, équilibrées entre guillemets entre d'un côté les squatteurs et de l'autre les locataires qui ne pouvaient plus payer leur loyer. Au fil donc des remaniements des textes, il y a eu un saucissonnage de plus en plus évident du corps social et une distinction de plus en plus importante qui a été faite entre d'un côté les squatteurs et de l'autre les locataires précaires, donc dans un but évident, hein, celui justement de vouloir empêcher une mobilisation commune. Des tactiques qui sont faites assez régulièrement. Et donc l'idée, c'est de dépasser ça pour pouvoir s'organiser collectivement. Le mouvement InterSquat c'est déjà relativement bien organisé. Il y a eu des manifestations organisées soit par l'InterSquat, soit par le DAL, avec l'InterSquat qui a rejoint les manifs du DAL. C'est vrai que pour le moment, il n'y a pas vraiment eu de grands mouvements de locataires précaires. Et je pense que c'est là-dessus, sur la mobilisation des locataires précaires, que vraiment va se jouer quelque chose. Clairement, l'InterSquat n'est pas assez puissante pour pouvoir... à elle seule créer un rapport de force qui soit efficace, mais en mobilisant les locataires précaires, là, je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait se jouer. Donc nous, c'est un peu ce qu'on essaye de faire donc à notre échelle, donc au Malakouin, sur le sud parisien, où on essaye de mettre en place des réunions publiques d'information et d'organisation. Donc si vous voulez venir, c'est tous les mardis à 19h, donc 70 rue Gallieni, 92 240 Malakoff. Donc dès demain, si voilà, pour demain, tous les mardis. Et je pense qu'il y en a d'autres dans le nord de Paris, à Montreuil aussi, des réunions comme ça. Il n'y a pas de réunion régulière sur ce sujet spécifique. C'est vrai que là, les réunions sur les retraites ont un peu amalgamé, même si ça parle pas que des retraites, ça parle de toutes les lois. On pourrait y revenir ensuite, mais il y a un gros problème un peu à arriver à faire exister cette question-là. Il y a eu, on peut dire quand même, il y a eu une manifestation fin janvier. Il y a une grosse manifestation qui se prépare aussi pour la fin de la trêve hivernale le 1er avril. Et entre-temps, par contre, au niveau de Montreuil, il y a plus des mobilisations là, qui sont prévues mi-mars. Je ne connais pas très bien les dates par rapport à des grosses expulsions qui risquent de frapper différents endroits du bas Montreuil, connus comme la Baudrière, peut-être d'autres moins connus comme les familles de la rue Gambetta. Une cinquantaine de familles, les expulsés du foyer Barra, qui sont toujours rue Barra, une cinquantaine de personnes aussi. Enfin voilà, différentes. Donc il devrait y avoir une date mi-mars, il devrait y avoir une date le 1er avril. Il y a un blog qui s'appelle Se loger n'est pas un crime.org. Il y a aussi. En tout cas, il ne faut vraiment pas hésiter à prendre des initiatives. Il y a des cantines, par exemple dans l'Est parisien, il y a d'autres initiatives sûrement ailleurs, mais il ne faut vraiment pas hésiter à prendre et à proposer des initiatives. C'est vraiment ce qui manque, que ça soit à l'intérieur des manifestations qui existent déjà, que ça soit justement en invitant des personnes à parler de ces thèmes-là. C'est trop peu audible par rapport à ce qu'on va se prendre dessus dans très peu de temps. Et il y a le délit de solidarité aussi qui est très grave, je ne sais pas si tu... Non, mais ça veut dire que là, ce qui est en train de passer aussi, c'est le fait de criminaliser le fait de le fait d'évoquer l'occupation. Promouvoir les squats. Voilà. Ne serait-ce que d'évoquer ça, ça va devenir criminel. Ou de se solidariser avec donc on est dans un truc qui est très grave. Et juste très rapidement, au-delà du drame social, la fermeture des squats va devenir, avec cette loi qui va rétrécir le temps d'existence même des squats. Les squats, c'est aussi des lieux et d'habitation et de vie collective, c'est aussi des lieux d'organisation pour beaucoup de collectifs qui s'organisent, qui ne vivent pas forcément en squat, mais qui s'organisent en squat. Et notamment, il y a les BSP, les Brigades de Solidarité Populaire sur Paris, qui sont toutes plus ou moins reliées à un squat. Et c'est les BSP, elles ont, pendant le Covid, nourri énormément de gens. Et prochain Covid, plus de squats, plus de BSP, plus de lieux d'organisation. Donc si les squats ferment, c'est aussi des lieux d'organisation collectifs, des lieux de réunion politique qui ferment et qui n'existeront plus. Voilà. Et qui comptent pour nous, les gens qui sommes tous là, gens d'en bas. Merci beaucoup d'être là. Donc demain, s'il y en a qui veulent se rendre à Malakoff pour essayer de faire grandir la machine, c'est à 19h. À partir de 19h, c'est de... Exactement. 70 rue Gallieni. Quel métro ? Métro Étienne Dolé. Métro Étienne Dolé. Merci beaucoup à vous d'être là. On tâchera d'en reparler. En attendant, soyez tous attentifs s'il y a des manifs ou des choses qui passent, de vous mobiliser, mais sur tous les fronts, puisqu'on est attaqué sur tous les fronts. On va parler des autres lois qui se préparent encore et qui nous font mal et qu'on va combattre. Musique, toujours sur 106.3 FPP, la jungle des luttes. Musique. Bonjour monsieur. C'est mon adjoint. Voilà. Écoutez, c'est un bâtiment d'État hein, oui. Que vous occupez. Donc, moi, je vais vous demander de quitter les lieux. Oui, bien sûr. Parce que, ce que nous allons, bien entendu, refuser de faire. Je vais être obligé de vous faire partir quand même. Quitter les lieux. Que nous allons, bien entendu, refuser de faire. À toutes ces maisons éphémères, aux serrures interchangeables, sous-marins sans nucléaire et tous ces murs qui se partagent. Aux nuits à la bougie, au loyer qu'on oublie, au matin sans logis et au foyer toujours vide. Aux proprios véreux, huissiers sans ambition, si ce n'est de salir nos portes avec des avis d'expulsion. Aux keufs qui cassent les vitres, gaz et vire, mate l'équipe maléfique, nique la bac, nique la bique. À tous ces potagers qu'on n'a jamais pu cueillir, à tous les naufragés qu'on a voulu accueillir, tous ces endroits cachés qui n'attendaient que de revivre, tous ces mois passés avant que la porte ne brille. Pour celles et ceux qui passent l'hiver derrière un été, savent que la trêve c'est comme un rêve, on peut vite se réveiller. Cherche plus les montres sous mon lit, les vrais tocos béliers. Passé 6 heures, je me dis enfin encore une bonne journée. Pour celles et ceux qui passent l'hiver derrière un été, savent que la trêve c'est comme un rêve, on peut vite se réveiller. Cherche plus les montres sous mon lit, les vrais tocos béliers. Passé 6 heures, je me dis enfin encore une bonne journée. J'habite les lieux que les trop riches oublient. M'habille de murs humides ou décrépits. Mais prends parfois du luxe des nantis. Mais pieds de biche, pas de chichi. C'est ambiance scandale quand ça danse au vacarme. Hangar 5 étoiles dans le guide Michelin du crâne. Des loups chantent à la pleine lune et la meute est au ras. Un truc familial comme un mercredi à la mat. Le proprio est vénère, débarque avec sa milice. La mumu à l'éphémère et la nationale au calice. On avait froid, c'était ouvert, c'était casse vite se remplissent. C'est qu'on a fait l'inventaire, on n'a pas toi et t'en as 10. Y'a des promesses de campagne dont l'état rigole. Dormir sous le porche, un immeuble vide, en vrai c'est pas si drôle. Et quand le missile est occupé, t'inquiète, la bac s'y colle. C'était fermé, on est rentré en quelques cabrioles. Au ch'ti d'Arras, y'avait du flow avant que le flow le fracasse. Et Martine envoie les euros, on a un projet qui tabasse. Urbanise 2.0, art contemporain, lutte des classes. On investit ta mairie, on la redécore à la masse. Un immeuble gris de plus et le donjon se vide. T'es requin, t'es roussin, t'auras pas mon nom, j'te dis. Deux pneus, trois verrous, comme 18 ponts-levis. Le feu, ça s'étouffe, la rage, non, non, que chi. Et si t'as pas un soumis sur les fous folles, à l'affût du coup de bol, guette les toits et sous-sol. S'glisse comme des singes, ris d'être sage. Des terres excrètes comme IDS à un match de football. Et quand l'agent pousse, la porte ploie sans ombre. Comme la mangouste, l'auditoi dans l'ombre. Rentrer en douce, sortie en grande pompe. Rentrer en douce, sortie en grande pompe. Celles et ceux qui passent l'hiver derrière un été savent que la trêve c'est comme un rêve, on peut vite se réveiller. Je peux les montrer sous mon lit, les vrais tocos béliers. Passé 6 heures, je me dis enfin encore une bonne journée. Pour celles et ceux qui passent l'hiver derrière un été savent que la trêve c'est comme un rêve, on peut vite se réveiller. Je peux les montrer sous mon lit, les vrais tocos béliers. Passé 6 heures, je me dis enfin encore une bonne journée. Pied de biche, pas de chichi. Pied de biche, pas de chichi. Pied de biche, pas de chichi. Pied de biche, pas de chichi. C'est bon. Si on réussit. C'est comme si c'était éternel. .3 FPP, la jungle des luttes. On est là jusqu'à 20h30, donc comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc on aime bien créer des ponts entre les luttes et en même temps c'est la même lutte qui se donne sur, comme on le disait, sur plusieurs fronts, parfois en même temps ou pas. Donc justement, essayer d'avoir conscience qu'il faut être un peu partout puisque sinon... Si on laisse s'ouvrir la brèche, c'est foutu. Donc là, du coup, on est en plein dedans. On est, on a justement, on parle souvent dans notre région, mais pas seulement qu'en région parisienne, hein, des Jeux Olympiques 2024, puisque c'est ici que ça se passe, mais il y a tout plein de répercussions partout. Et donc, on a déjà fait une émission où on a pu aborder, c'était peut-être un peu moins sur la question de la surveillance, même si on avait abordé cette question-là, on ne l'avait pas trop détaillée, mais du coup, là, ça commence à se resserrer toujours au fur et à mesure, puisqu'il y a des décisions qui sont prises au fur et à mesure, parce qu'il y a quelques mois, il y avait encore des choses qui étaient dans le flottement, comme les lois, les navettes, etc. Donc, on est avec Youn et Thomas, vous faites... partie d'un collectif, je vous laisse vous présenter et puis je vous laisse la parole sur les JO. Hein, le mieux, c'est ça, que vous nous disiez tout ce qu'il faut partager aujourd'hui. Ouais, bah, du coup, SACH 2024, c'est un collectif qui existe depuis 2020, je crois, à peu près. qui est un collectif de personnes qui s'organisent principalement dans le 93. Et du coup, bah, nous, le discours à Saccage, c'est que bah, les Jeux Olympiques et Paralympiques, bah, que c'est dégueulasse et que ça a toujours été dégueulasse, et qu'on n'en veut pas ni à Paris, enfin, ni ici, ni ailleurs, quoi. D'ailleurs, on a des liens à l'international avec, avec des personnes qui luttent contre les JOP à Los Angeles. À Los Angeles, ce sera les Jeux d'été suivants, donc en 2028. On est en lien aussi avec des personnes au Japon, etc. Et voilà, après, c'est un peu... C'est toujours un peu difficile de déconstruire les JOP parce que... Enfin, on a le sentiment que dans la tête des gens, c'est, voilà, c'est une énorme machine à fric, mais ça dure que deux semaines. Alors qu'en fait, ça... Il y a quelque chose de très diffus dans tous les phénomènes néfastes des JOP qui se recoupent avec pas mal de choses qui sont dites jusqu'à présent ce soir. Là, un peu, on va dire, une des actualités des Jeux, c'est donc cette loi olympique, enfin cette deuxième loi olympique qui est déjà passée par le Conseil des ministres, puis par le Sénat, et qui là va passer à la mi-mars à l'Assemblée, et qui va... impacter tout un tas de trucs. Je ne sais pas si toi, tu veux commencer à parler de la vidéosurveillance, notamment. Ouais, bah, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, c'est la deuxième loi olympique qui passe. La première est passée en 2018. Et du coup, pendant longtemps, en fait, on a entendu parler du fait qu'il y aurait peut-être de la vidéosurveillance, de la reconnaissance faciale, surtout. Finalement, le gouvernement a démenti ça, notamment sous la pression un peu des luttes. Ce qu'on sait maintenant, c'est que ça sera de la vidéosurveillance algorithmique, ou dit VSA. Et en fait, en gros, l'idée de ça, c'est que ça permet de mettre globalement des applications sur des caméras qui vont pouvoir rendre les caméras intelligentes. Par exemple... de demander aux caméras sur une surface donnée de vérifier les personnes qui passent, tel camion, la couleur des camions, les personnes qui font du maraudage, et de pouvoir préciser qu'est-ce que les caméras doivent regarder. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les drones vont pouvoir être aussi équipés de la même technologie, en fait. Alors, la loi n'est pas encore passée. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que de tout temps, les JO permettent des accélérations principalement sécuritaires. Donc en fait, c'est des effets de levier, c'est des effets de cliquet. Et déjà, la mobilisation qu'il y a eu, si je ne dis pas de bêtises, 2020-2021 sur la loi de surveillance globale, en fait, la loi se comprenait par l'arrivée des JO. Et là, c'est la deuxième qui arrive. Ce n'est pas dit que d'ici 2024, il n'y ait pas encore une loi qui renforce la sécurité, qui renforce les caméras, qui tombe. Il faut savoir que derrière les JO, il y a Thalès, il y a l'armement français, et que l'idée, c'est de faire des JO la vitrine de la surveillance et de l'armement français. On parle de plus de 35 000 policiers mobilisés, plus de 20 000 agents de sécurité. Voilà. Les JO, ce n'est pas qu'une fête populaire, ce n'est pas du tout populaire, mais l'idée, c'est vraiment que ça soit une fête pour l'armement français et principalement pour la police. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec la VSA, la vidéosurveillance, c'est vraiment un tournant qui va se passer parce que pour faire passer la pilule, on parle d'expérimentation jusqu'en 2025. En fait, on sait par expérience qu'à chaque fois qu'il y a des lois qui passent comme ça, c'est toujours dit expérimental et en fait, ça finit par être mis dans la loi courante, comme l'état d'urgence, ce genre de choses. Sachant que derrière, il y a les sénateurs, il y a la police qui milite depuis des années pour que ce genre de choses passe et il y a des gros sous, notamment avec les industriels. Donc là, on parle d'expérimentation jusqu'en juin 2025, mais on sait qu'après, ça sera pérennisé. Par rapport à ça. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, on nous dit les Jeux Olympiques pour cette loi, mais il faut savoir qu'en fait, la loi va permettre d'avoir de la vidéosurveillance algorithmique sur tous les stades des JO, mais aux alentours des stades, donc ça veut dire les transports en commun, la RATP, la SNCF, ce genre de choses, et c'est élargi à tout événement culturel et sportif, jusqu'en 2025. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'événements. Et en fait, voilà, c'est vraiment un passage de cap parce que ça ouvre la surveillance de masse, ça ouvre la... Enfin, ce qui est rigolo, c'est que la CNIL a déposé un avis en disant qu'ils reconnaissaient eux-mêmes que c'était un tournant sans précédent dans l'histoire de la vidéosurveillance, mais qu'ils ne voyaient pas le souci. Nous, on voit assez bien le souci. Et c'est ce qu'on disait, on va peut-être pouvoir élargir, mais tout à l'heure, c'est que... Enfin, pour nous, par exemple, la loi Kasbarian, la loi Darmanin là, qui arrive, se comprennent aussi par rapport aux JO, en fait. Pour nous, c'est la même logique de militarisation de l'espace qui arrive pour les JO. Ça fait déjà un an, deux ans qu'on entend sur le terrain « pas de camp pour 2024 ». Donc le fait que là, il y a une loi qui permette d'expulser les squatteurs, c'est quand même, ça va dans ce sens-là. Il y a énormément de personnes sans papier qui travaillent sur les stades et les chantiers des JO. Il y a une loi sur l'immigration qui passe. Enfin, il y a toute cette logique aussi qui est avec les JO arrivent. Il faut faire nettoyage. Exactement. Ouais. C'est vraiment l'idée d'un nettoyage et de polisser complètement le truc. Et du coup, par rapport à ce que disait Thomas, enfin, c'est pas deux semaines les JO. En fait, on ne reviendra pas en arrière. Les camarades de Los Angeles nous l'ont assez dit. Eux, ils ont eu les JO en 84 la dernière fois. Donc là, ils les reprennent. Et en fait, en 84, la police s'est militarisée à un point. Enfin, ils nous disent en fait, on peut pas comprendre les émeutes qu'il y a eu en 92. Si on comprend pas qu'il y a eu une militarisation de la police en 84 avec les JO. Et en fait, c'est ce qui nous pend au nez, c'est que derrière, il y aura un tournant répressif de la police qui on reviendra pas derrière. Ne serait-ce que le fait qu'ils veulent prolonger jusqu'à 2025 avec les JO, c'est en juin 2024 déjà. Enfin, et justement, ils prétextent en fait des raisons de sécurité. Effectivement, hein, tu les entends, ils t'expliquent que la petite vidéo, elle va pouvoir repérer quand il y aura un mouvement de panique, un mouvement avec des... Donc oui, c'est ça. Donc en fait, c'est pour essayer de vendre ce type de projet. Effectivement, ils mettent en avant la sécurité, comme ils parlent de protéger les petits propriétaires, soi-disant. Alors du coup, justement, c'est Mathieu qui est au téléphone, c'est ça ? Pour justement, comme on parlait de toutes ces lois, il y a notamment la loi dite Darmanin, en deux mots, pour expulser plus d'étrangers, pour faire rapide. T'es avec nous, tu nous entends ? Oui, je vous entends moi en tout cas. Nous on t'entend moyen peut-être. Enfin, nous, on n'entend pas très bien, je veux dire, dans le studio, quoi. Ça, je veux dire. Eh ben, salut, merci à toi. Si tu veux réagir à ce que tu as entendu, ou je sais pas ce que tu as entendu, mais en tous les cas, on parlait de toutes ces lois qui sont en préparation et contre lesquelles il faut lutter. Et notamment cette loi. La loi Darmanin, effectivement. Mais merci aussi à vous de parler de cette loi et d'organiser une émission comme ce qui est déterminante, parce que moi, ce que j'ai entendu des dernières minutes, parce que je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous, vu on est en réunion là de la marche des solidarités justement pour organiser les suites de la mobilisation contre la loi Darmanin. Et ce que j'ai entendu était hyper intéressant, parce que je pense que ce qui est aussi déterminant dans ces moments-là, c'est parler de la logique de fond derrière. Et c'était tout à fait juste ce qui était dit sur cette logique de fond répressive au sujet des Jeux Olympiques. Et ce qu'on voit aussi, par exemple, dans la loi Darmanin, c'est une logique de fond qu'on retrouve dans la réforme des retraites, qu'on retrouve dans la réforme chômage, qu'on retrouve dans la loi anti-squat. C'est, pour faire très court, comment pousser le plus grand monde ne pas avoir d'autre choix que d'accepter des tafs dans les conditions qui seront ceux des patrons et du gouvernement. Dans le cas des retraites, ça va être en imposant au plus grand nombre qui seront obligés d'accumuler les trimestres, de prendre les tafs qui viendront, de pousser les retraités à accepter n'importe quel job pour arriver jusqu'au nombre de trimestres qu'il faut. Dans le cas de la réforme chômage, c'est en s'attaquant aux indemnités et en poussant donc ainsi tout le monde à accepter les premiers jobs qui leur seront proposés sans être trop regardant ni sur le salaire, ni sur le lieu, ni sur le secteur, etc. Et dans le cas de la loi Darmanin, c'est avec ce nouveau titre de séjour, titre de séjour temporaire qui va être réservé aux métiers en tension et aux zones géographiques. Mais on ne sait pas encore quels seront ces métiers, on ne sait pas encore quelles seront ces zones-là. Par contre, ce qu'on sait très bien, c'est que c'est les patrons et l'État qui choisiront quels seront ces métiers, quelles seront ces zones géographiques. Et ça, c'est vraiment pour justement pousser et forcer les sans-papiers et les migrants et les migrantes et l'ensemble des travailleurs immigrés qui seront susceptibles de vouloir chercher un titre de séjour, à accepter n'importe quelle condition pour que justement ils puissent accéder à ce titre de séjour. Ça, c'est vraiment une logique de fond qui est déterminante à comprendre, parce que c'est la nature même de l'attaque qu'on est tous et toutes en train de subir. Et dans cette attaque-là, effectivement, la loi Darmanin, au-delà de partager cette logique avec les autres réformes, incarne l'offensive raciste du gouvernement. Et pour ça, il suffit de regarder dans cette loi Darmanin toutes les mesures qui vont renforcer la criminalisation des étrangers, qu'ils aient ou non des papiers, que ce soit par la systématisation et l'allongement des obligations de quitter le territoire français, par les attaques sur l'ensemble des cartes de séjour 1 an, 4 ans, 10 ans, qui pourront être désormais refusées, que ce soit en première demande ou lors d'un renouvellement, sur des motifs qu'on connaît bien pour les avoir vus dans la loi séparatisme, c'est-à-dire si on ne respecte pas les valeurs de la République, aussi flou soit-il, c'est quand même dans la loi. Si on est susceptible d'être accusé de trouble à l'ordre public, pareil, la carte de séjour saute ou n'est pas renouvelée. Les centres de rétention, pour encore plus expulser. Également des mesures d'assignation à résidence qui accompagnent les OQTF dans le cas où justement une personne ne pourrait pas être envoyée en centre de rétention. L'idée, c'est de l'assigner à résidence jusqu'à ce qu'elle soit expulsée. Et ça se retrouve aussi évidemment dans l'extension de la double peine. Gérald Darmanin en a largement parlé. Et ça illustre parfaitement sa volonté d'associer immigrés et délinquants. Et en gros, cette double peine, c'est une épée de Damoclès sur n'importe quelle personne qui n'est pas française et qui pourrait se retrouver expulsée à tout moment en ayant subi une peine qui sont condamnables à 5 ans de prison. Mais il ne faudra pas forcément être condamné de 5 ans. Il faudra être condamné à une peine qui est condamnable de 5 ans. Mais même si la peine est inférieure à 5 ans, on sera expulsé. Et enfin, le dernier, mais qui aussi illustre parfaitement la logique de couverture des violences policières, c'est-à-dire que dans cette loi, il va être prévu que un étranger sans papier qui ne souhaiterait ni donner sa photo ni ses empreintes dans un commissariat, et ben la police et la gendarmerie, avec cette loi, aura l'autorisation et donc sera couvert pour lui prendre sans son consentement. Quand on sait les violences policières déjà qui sont très fortes dans ce pays, on sait comment sont traités certains migrants et migrantes dans les commissariats, certains sans papier, on imagine ce qui peut se passer quand une loi pareille passe. Voilà. Et on parlait de la violence dans les commissariats de police qui justement touche même pas forcément seulement les immigrés. Donc voilà la violence. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite pause musicale avant de continuer? Non, on continue. Allez-y. Mais par rapport à la violence et notamment à la répression, qui est voilà, un peu le thème aussi de la soirée, le deuxième gros article de la loi olympique, justement, pour revenir là-dessus, c'est en gros l'article 12, donc la vidéosurveillance, et l'article 7. Et l'article 12, en gros, qui a fait un peu de bruit aussi, parce que ça permet de criminaliser d'une amende presque systématique l'intrusion dans les stades. Et l'amende serait de 7 500 € avec potentiellement 6 mois de prison derrière. Et en fait, on voit bien qui est visé là-dedans. Ils prennent le prétexte des incidents qu'il y a eu au Stade de France, incidents majoritairement causés par la police, pour dire « oui, mais il y a de la violence dans les stades, donc en cas d'intrusion, on va créer une amende supplémentaire ». Et en fait, on voit très bien que c'est des mouvements comme Dernière Rénovation. L'idée, c'est de faire en sorte que si pendant les JO, quelqu'un rentre dans un stade avec une banderole pour dénoncer, par exemple, la violence des policiers, cette personne se prenne automatiquement 7 500 € d'amende. Et enfin, c'est encore une fois la même logique, les mêmes logiques d'amende systématique, de répression, de passer de plus en plus par les préfets, parce qu'il faut savoir que sur la vidéosurveillance, la CNIL, en gros, n'aura plus que un rôle de conseiller, et c'est les préfets qui décideront où les caméras de surveillance se passent. Ce que je vois sur ces trois lois, c'est aussi la mainmise totale des préfets, en fait, qui est clairement le bras armé de l'État. Et je ne sais pas si vous voulez rajouter là-dessus, par rapport à la loi Kasbarian ou... Et du coup, il est... C'est ça, je me disais qu'il était parti, non? Ou il était toujours avec nous, Mathieu? Non, bon, c'était... Bon, bah, en tous les cas, merci à Mathieu de nous avoir appelé parce qu'on n'a pas eu le temps. J'ai pas cru que tu allais partir au téléphone. Du coup, on fait une petite pause musicale là et on reprend là. Du coup, allez, vas-y parce qu'on sait plus où on en est là. On est toujours quand même sur 106.3 FPP, la jungle des livres. E ainda assim, cadê o busão? Contagem regressiva para os jogos. Maior número de corpos, medalha de caveirão. Recado desse prefeito é claro, periquito, um fracasso da militarização, danão. Trocar esse governo muda nada, genocídio salta alto. Vem bala, vem remoção. Porto Maravilha atende a quem? Sem hoje, amanhã não tem sangue nos olhos, pé no chão. Não por acaso várias linhas estão cortadas. Leto suspeito e do túnel não vai passar. Se acha mesmo que nada tem ligação, a TV é bom desligar. Passou a Copa, continua enlatado. Parca, metrô, trem, BRT, tá ruim pra entrar. Quer convencer quando a minha está se ferrando? 106.3, la jungle des luttes, FPP. Alors, donc, on est encore un petit peu ensemble, là, quelques minutes. Et alors, il y a quand même pas mal de dates à essayer de retenir. Donc, si jamais vous voulez aussi tous les uns les autres finir quand même tout ce que vous avez à dire, là, parce qu'on a un petit peu cafouillé sur la fin, mais il y a peut-être des choses importantes à dire avant que ce soit la fin. Côté Saccage 2024, du coup, on fait une réunion publique donc qui est totalement rejoignable jeudi soir à la, dis-moi si je me trompe, Bourse du Travail de Saint-Denis, c'est ça ? Ouais, Bourse du Travail de Saint-Denis, ouais. Rue Génin, et c'est à 19h30. Et puis voilà, on a un blog, on a un compte Twitter et je ne sais plus quoi d'autre, mais du coup, on est présent sur les réseaux et les rendez-vous seront annoncés sur la mobilisation ou autre. Et peut-être ce qu'on peut rajouter par rapport à la loi olympique, c'est qu'il y a la Quadrature du Net qui fait un travail incroyable depuis des années sur ce sujet, qui est un peu à la tête aussi pour les mobilisations. On est en train de voir un peu avec eux de comment justement on peut essayer de mutualiser avec la loi Kasbarian et la loi Darmanin pour faire front commun. Mais donc aller voir ce qu'ils font et justement notamment pour les dates de mobilisation, ils vont pas mal communiquer là-dessus. Il y a déjà des actions possibles, ils invitent à... en gros, contacter les députés pour les obliger à réagir quand la loi va passer à l'Assemblée en donnant des arguments. Donc voilà, il y a tout sur leur site, la Quadrature du Net. Merci à toi. Il me semble que contre la loi Darmanin, il y a de nouveau des mobilisations. Il y avait une mobilisation ce samedi. Samedi dernier, là. Ce samedi dernier, là, ouais, qui vient de passer sur le centre de rétention de Vincennes. Mais du coup, il devrait y avoir une nouvelle mobilisation, il me semble, le 25 mars. Le 4 mars aussi, on me dit. Le 4 mars aussi. Il va y avoir une mobilisation aussi contre la loi Kasbarian et du coup aussi contre la loi Darmanin le 1er avril, le samedi 1er avril. Et dans tout ce contexte de mobilisation, on a l'impression qu'il va y avoir les retraites le 7 mars, le 8 mars, etc. Là, ça voilà, va être le bordel magnifique. Régulièrement, là. Parfait, il faut que ça le soit. Mais voilà, et il y a aussi toutes les mobilisations. Ça, c'est pour refaire un tout petit lien vers le Mexique, vu que quand même, Bon, historiquement, thématiquement, on a quand même cette des racine, liens avec, ce lien avec là-bas, mais pas que, il y a aussi toutes les mobilisations par rapport au pillage, au saccage de l'eau, qui est pareil, bah voilà, on est dans une espèce d'offensive capitaliste tout azimut, et aussi bah, sur les ressources naturelles. Donc bah, la mobilisation, l'une des mobilisations les plus fortes et les plus connues en France, bah, c'est évidemment les mobilisations contre les méga-bassines qui vont avoir lieu les 25 mars. Le 22 mars, c'est donc la journée mondiale de l'eau. Nous, on pense très fort à cette date-là aussi, bah, des compas qu'on a là-bas qui, depuis 2 ans, se sont battus contre Danone qui a asséché leur terre et leur nappe phréatique, qu'on fait fermer l'usine qui, du coup, les asséchait, puis l'ont expropriée. Du coup, bah, voilà, on pense à ça aussi pour mars, dans ces dates du 22, 25, 26, pouvoir faire le lien aussi avec là-bas, parce qu'il y a cette envie depuis le Mexique de connaître beaucoup mieux nos luttes, quelque chose qu'on fait très mal, parce qu'il faut pouvoir le raconter en espagnol, mais il y a beaucoup de sollicitations de la part de là-bas. Voilà, on parlait de ça quand les zapatistes étaient venus, qui disaient la tempête, nous on est juste là pour vous prévenir que la tempête va arriver. Je crois que là on commence à rentrer dedans et du coup c'est vrai qu'il y a des gens qui la subissent depuis très longtemps et des fois on oublie qu'on est tous sur plein de petits bateaux, mais en tout cas on est tous au milieu de la tempête quoi, et du coup qu'il faut trouver quand même un moyen de communiquer entre ces petites esquifs qui dérivent si on veut trouver un chemin pour... On fait peut-être voilà. Pas souvent assez de petits micros, vidéos, des trucs, parce qu'on écrit beaucoup en France quand même. Il y a beaucoup de textes qui circulent, des textes, mais on pense pas souvent à faire peut-être des micros, petites vidéos, même s'il y a, y a plein de choses qui passent sur les réseaux sociaux, mais du coup, des fois, des petites vidéos, ça parle d'elles-mêmes, en fait, et il suffit d'avoir, pour pouvoir communiquer les luttes, ici et là-bas, puisque le projet, c'était de pouvoir justement partager et de faire connaître pas seulement nos luttes, mais aussi solidariser, parce que évidemment, la solidarité, en tous les cas, qu'on a pu apporter ici de ce continent jusqu'à le continent vers le Mexique, c'est quelque chose d'important, mais c'est aussi important pour nous de savoir qu'il y a des luttes qui peuvent être solidaires avec nous, même si potentiellement on a l'impression qu'on est nous dans le camp des dominants, mais en fait on est quand même dominés ici. On a besoin aussi de pouvoir apprendre des autres et eux d'apprendre de nous aussi, même si je crois que jusque-là, ils ont quand même beaucoup plus d'expérience au Mexique. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant de puiser dans leurs inventions, parce que je crois qu'il faut qu'on réussisse à inventer, peut-être. Et en tous les cas, essayons d'inventer des petits moyens de communiquer facilement entre toutes ces luttes. Là, aujourd'hui, il faudrait réussir à être... Quelques belles banderoles de solidarité, des zapatistes notamment pour Lutzerath en Allemagne. Voilà, en tout cas, juste vu que c'est... Les dernières minutes, est-ce que des choses à dire, des rendez-vous, surtout des manières de pouvoir aller au-delà de l'écoute pour se retrouver? Juste pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, donc que ce soit avec la loi Casbarian, ou la loi Darmanin ou la loi contre les retraites, le projet de ce gouvernement, c'est vraiment de nous isoler, de nous précariser, que ce soit le règne du tous contre tous. Et il faut lui donner tort et on va lui donner tort. Très clairement, sinon c'est la fin et on va tous mourir, littéralement. Voilà, donc je répète que donc, demain, rendez-vous pour tous les précaires locataires et squatteuses au Malakouine à 19h. À Malakoff. À Malakoff. Métro Étienne Dolle. Voilà. Et le 3, ensuite, on peut se retrouver justement le 3 à la cabane, c'est ça? Tout à fait, je répète, donc le 3 à la cabane, au 28 rue des Fillettes. Dès 17h, il y a une projection, puis ensuite des prises de parole avec les collectifs qu'on soutient sur les violences policières dans la Seine-Saint-Denis, des concerts, des DJ sets. Et donc ensuite, ce sera le 4, contre la loi Darmanin. Puis bah, le 7, tout le monde est au courant. Et puis le 8 et encore et encore. Le 8 pour la révolution. Donc, merci à vous. Merci à vous tous d'avoir été là. On vous rappelle donc qu'il y a la journée mondiale de l'eau le 22. Donc si vous voulez aussi éventuellement vous mobiliser, vous pouvez retrouver donc le CSPCL qui se réunit tous les premiers, troisième et cinquième mercredis du mois. Ensuite, le 19 mars, nous avons un concert organisé au CICP à Paris, donc 21 Terre rue Voltaire, donc c'est le 19 mars, pardon, un dimanche. Voilà. C'est entrée libre, prix conseillé 5 euros, sachant que les sous iront toutes ces luttes-là contre l'eau, contre ces projets-là. L'eau, c'est la vie, donc on va pas lutter contre l'eau. Mais quand tous ceux qui pillent et qui exploitent et qui absorbent l'eau plus qu'il n'en faut. Donc du coup, il y aura éventuellement des informations sur des éventuelles mobilisations la semaine qui suivra, justement, voilà, le 19. Donc si vous voulez venir à partir de 17h le dimanche 19. Savoir qu'est-ce qu'on fait dans la semaine. Le 25, mobilisation contre les lois Darmanin, salon anticolonial à la parole errante. Il y a plein de... C'est voilà, ça commence. Militant. Voilà, regardez. Donc voilà, donc merci à la technique. Et puis donc, c'est la jungle des luttes. Donc on a notre blog, la jungle des luttes, si vous voulez réécouter les émissions. Et celle-ci qui sera rapidement mise. Et sinon, jeudi, quatrième jeudi, de 8h à 9h30 du matin. Merci à vous tous. La lucha sigue, on lâche rien. Merci à vous. Bisous.